je ne suis pas capable de me faire pousser une moustache parce que ça pousse pas partout. Je peux pas me pousser une moustache comme mes amis. Parce que ça pousse pas pareil partout. J'ai essayé mais c'est pas arrivé à pousser. J'ai essayé, mais ça n'a pas poussé. Fait que je dis à tout le monde aujourd'hui qui me demande ce que je pense des moustaches, que ça a l'air fou. Ça a l'air fou, une moustache. Jaloux et jaloux. Jaloux et jaloux.